assez fou. Les extrêmes, ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Jean-Antoine Rioux sera avec nous pour la chronique du Club plein air UQTR. On recevra Michel Lebrun avec son segment juridique et judiciaire panier à salade et les plus récentes nouvelles du monde de la télé dans Télévision Télévision. Assemblage requis commence maintenant. Je t'en donne une gifle, je m'entends donner une gifle. Ah, c'est un prétexte bon pour donner une gifle. Ah, t'aimes ça faire frapper, toi? Oh, kinky! Kinky! Bienvenue à l'Assemblage requis en ce mardi 23 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, une autre émission d'Assemblage requis qui débute là, en direct des studios. C'est fou à Trois-Rivières! C'est parti, mon kiki! Mon kinky! Mon kinky! T'es en train d'insérer des choses dans tous les orifices où c'est possible d'insérer des choses, là? Ah, je te regarde même. Il a inséré son téléphone dans le téléphone. C'est ça, ouais. Son iPhone, mettons, dans un téléphone de maison. Fondu. Dans le cornet, le combiné. Ouais, dans le cornet. Dans le cornet fondu. Oui, hein? T'entends pas, j'ai un cornet dans l'oreille. Donc aujourd'hui, l'émission, Charles-Antoine Rioux va être là pour la chronique du club plein air UQT. Oui, chronique spéciale, hein, Mathieu? Oui, ben, oui. En effet, tu me le rappelles à l'instant. C'est quoi déjà? C'est une chronique où Charles-Antoine nous a demandé de le mettre au défi. C'est le moment du On va pouvoir le faire tantôt avec lui. Ouais, puis on pourrait courir partout dans le studio. Oui, comme des débiles. Ouais. Ouais. Fait qu'on ouvre tous les micros, on les met un peu plus haut, puis on crie, puis on essaie de pas mourir. J'aime ça. On est tout seul à ce temps-là dans le pavillon, presque. Ben oui. Presque. Ensuite de ça, à 8h, Michel Lebrun et son segment panier à salade. Comme toujours, on parle de justice, de juridique, judiciaire, des affaires de police. Ça va être le fun, ça. Toujours. Ah, qui est intéressant, Michel Lebrun. Et puis, sinon, à 7h10, dans quelques minutes, en début d'émission, on va faire Television, Television. Ça, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. C'est fun. Ouais. Voilà, donc, pour ça, on va avoir d'autres choses aussi. Je pense qu'à la fin de l'émission, on va peut-être pouvoir se gâter avec une autre chronique. On verra qu'est-ce qu'on va faire d'ici là. Mais pour l'instant, on écoute Rock Forest. Voici La drogue en moi. À Assemblage requis. Tout le monde est fatigué à matin, je pense. Tu peux consulter, hein, s'il y a beaucoup de drogue en toi. Oh, il y a de la place. Ouais. Petit coussin. Oh. We'll be right back. Rock Forest. La drogue en moi. Oh oui. Hein, petit coussin. Petit coussin. Quand t'as de la drogue dans les fesses. Oh! C'était ça la joke tantôt. Ouais. C'est, ouais. Mm. Maintenant, voici Television. Devinette, Jean-Philippe, c'est quoi le thème derrière Television? De quoi est-ce qu'on parle? Écoute, est-ce que ça va être la vision nocturne? Ah, peut-être avec les lunettes vertes? Ouais. Ou encore clinique visuelle 2020? Dans le temps? C'était de la vision? Oh! Je sais pas de quoi non, tu parles. Je sais pas. Non, il y avait une publicité dans le temps, non? Ça va être... ouais. Donc, commençons à Television où on parle nerveux. De télé. C'est pas grave. je sais pas trop où je m'en vais, moi non plus. Donc, on revient un petit peu sur les super attentats de Boston, là, et tout ça, qui ont causé quelques problèmes à la télé. Mm-hmm. Entre autres, l'actrice Zooey Deschanel, que vous connaissez peut-être, parce qu'on en parle tout le temps à l'émission, on dirait que c'est comme notre mascotte, là. Elle est connue pour son rôle de Jessica Day dans la série New Girl sur Fox. Elle a reçu toute une nouvelle de la chaîne Fox 4 Dallas Fort Worth alors qu'elle s'est aperçue que son nom était parmi les suspects recherchés de l'attentat à la bombe du Boston de Marathon. Pourquoi? C'est à cause des sous-titres. Selon le Huffington Post, le producteur de radio Peter O'Byrne a lu la capture à l'écran de la station affiliée Fox. Attentat à la bombe du Marathon, Zooey Deschanel, 19 ans, en faisant référence au jeune suspect Tsokar Tsarnev. Mais les sous-titres qui sont faits automatiquement par les stations de nouvelles ont marqué Zooey Deschanel. C'est fantastique. C'est comme un correcteur automatique. Oui, c'est ça. Donc, elle a dit que c'était un gros échec sur cette station de télé-là. En s'apercevant de l'erreur, O'Byrne a fait une farce à Deschanel. Donc, vous dites que ce n'est pas vous. Ah, OK. C'était pourtant, c'était confus. OK, voilà pour Zooey Deschanel. Il y avait d'autres nouvelles. Attends un peu que je remette ça dans l'ordre, ces affaires-là. Je suis donc ben pas en ordre le matin. Attends un peu. Drape de Boston et Newtown. NBC retire un épisode de la série Hannibal. NBC a annoncé qu'il retirait un épisode de la série de tueur en série Hannibal par respect pour les personnes touchées par des actes récents de violence. NBC a indiqué que cet épisode, qui devait être diffusé la semaine prochaine, montrait un personnage qui endoctrine des enfants à tuer d'autres enfants. Le producteur de l'émission, Brian Fuller, qu'on connaît entre autres pour Pushing Daisies, c'est un paquet d'émissions super bon. Donc, on dit qu'il a demandé au réseau de retirer l'épisode, c'est lui-même le créateur qui l'a demandé, évoquant la tuerie dans une école de Newtown en décembre et les attaques au Marathon de Boston. L'épisode, le quatrième de la série, sera remplacé par une autre heure de l'émission Hannibal. Évidemment, s'il y a des choses qui suivent, peut-être que ça n'aura pas de sens, mais si on est habitué avec la télé américaine, c'est rarement dans l'ordre, un peu comme mes nouvelles le matin. Les scènes de l'épisode retiré seront disponibles sur Internet la semaine prochaine avec des commentaires de M. Fuller. J'imagine peut-être des scènes qui vont justement venir faire qu'on va comprendre le scénario. La décision de ne pas diffuser l'épisode de Hannibal avait d'abord fait l'objet d'un article dans Variety. Donc, il y avait des rumeurs là-dessus et c'est confirmé. Une autre émission qui a un épisode retiré, c'est Castle à cause d'un épisode sur une bombe. Évidemment, je pense que ça va arriver à plusieurs émissions qui traitent de ce genre de sujet-là. Peut-être pas le meilleur moment pour regarder des bombes exploser à la télé. Donc, Castle fait partie de ça aussi. Est-ce qu'il y en avait un autre sur ça? Je ne crois pas. Donc, retournons où j'étais au départ. Amazon qui dévoile le pilote de la série Zombieland. On a déjà parlé dans cette chronique-là. Le film Zombieland adapté en émission de télé. Donc, nouvel acteur dans le marché des séries. Amazon Studios, bras et audiovisuel du marché en ligne, mais gratuitement à la disposition des internautes. 14 pilotes, dont celui adapté du film Bienvenue à Zombieland. Pour son arrivée dans le monde des créations originales, Amazon Studios casse les codes des chaînes de télévision. Habituellement, les épisodes pilotes sont secrètement conservés par les dirigeants jusqu'à la diffusion télévisée de la série. Si cette dernière a été retenue par le réseau, évidemment. Dans le cas contraire, l'épisode test tombe aux oubliettes. Ce qui est différent des années 80, où dans le temps, on avait des épisodes pilotes qui étaient diffusés à la télé. En fait, chaque épisode pilote... ou presque, était diffusé à la télé. Si c'était un succès, on achetait la série, puis ça revenait comme super longtemps plus tard avec une vraie série. Donc, des fois, le pilote était complètement différent de la vraie série. Oui. Donc, maintenant, j'ai failli éternuer, en fait. Je me demandais si tu avais quelque chose à dire par rapport à ton nez. Non. Où était le nez? Amazon Studios a choisi de dévoiler l'ensemble de ses pilotes, 8 séries et 6 programmes pour enfants. Parmi les comédies et drames originaux figure Zombieland. Les internautes peuvent également découvrir le premier épisode de Alpha House, série politique avec John Goodman. Série musicale, comédie musicale, Browsers, l'histoire de trois professeurs immatures. Those Who Can't et Bettas, centré sur des geeks de la Silicon Valley. Ça, c'est ce qui m'intéresse évidemment le plus. Ce dispositif permettra à Amazon d'évaluer l'accueil de ses créations originales. Les remarques faites par les internautes pourraient pencher dans la balance au moment où le studio décidera quelles séries transformeront l'essai. Les pilotes proposés ne sont cependant accessibles qu'au public nord-américain. Voilà. Maintenant, une série dérivée de Dexter. Est-ce que tu écoutes Dexter? Ah, j'écoutais. Oui, hein? Oui, j'ai été obligé d'arrêter parce que, justement, je suis un peu comme toi avec les séries. Je suis pas capable... C'est rare que je suis capable d'écouter une série quand elle passe une fois par semaine. Non, trop dur. Et puis après ça, je deviens fou. Puis Dexter est vraiment une très, très bonne série. Puis je faisais des nuits blanches. Puis là... T'as appris ta leçon. Oui. Tout d'une shot à la fin. Mais de toute façon... J'attends cet été. C'est ça, parce que ça se termine, cette série-là, Dexter. Mais une série dérivée pourrait s'en venir... Elle centrerait sur Deborah, la sœur adoptive du tueur en série, et arriverait après la fin de la populaire série. Je vais essayer de regarder à l'avance pour pas te dire de spoiler dans l'article. Oh ben écoute, c'est pas ce grave. Donc la dernière saison de Dexter qui débute le 30 juin aux États-Unis. Après s'être séparé de Weeds et United States of Terra, la chaîne Showtime s'apprête à perdre la série la plus populaire de sa chaîne, donc à travers le monde. La chaîne câblée prépare activement son avenir avec notamment des nouveautés comme Ray Donovan, Masters of Sex et une série dérivée de Dexter. L'œuvre qui pourrait se concentrer sur Deborah Morgan, jouée par Jennifer Carpenter, reste encore une possibilité que Showtime se laisse le temps d'explorer. Son président David Nevins ne ferme aucunement la porte à cette option, mais il attend de connaître la trajectoire prise par la dernière saison. Ah, tu vois, eux-mêmes le savent pas. Non. Mais elle est très mec, cette actrice. Oui. Je sais pas si tu trouves, là. Jennifer Carpenter, un peu. Aïe, aïe. Ben, en tout cas, dans Dexter, c'est une actrice très grande, puis elle est comme toute maigre, là, ben, Colin. Je vais aller voir ça, oui, bon. C'est assez flagrant. En tout cas, je me souviens que dans la saison 4 de Dexter, j'ai comme fait « Wow! What? » AMC songe également à prendre la voix de la série dérivée afin de faire perdurer Breaking Bad, on en parlait la semaine dernière. Oh, Eva Longoria, pauvre Eva Longoria, sa série de télé-réalité a été annulée après seulement 2 épisodes. Ah, ça c'est plate. Ah. La star de Beauté désespérée a produit l'émission centrée sur 3 hommes célibataires et 3 entremetteurs chargés de sélectionner 36 femmes célibataires afin de retrouver, de trouver des partenaires aux hommes. Le programme a débuté sur la chaîne américaine NBC au début du mois d'avril, mais a été annulé du fait de la faible audience. On ne sait pas encore si on va diffuser les autres épisodes de Ready for Love, qui était le nom de cette série-là. Elle n'était pas la vedette, mais elle était productrice, créatrice, etc. Parlant d'annulation, malheureusement, et là je suis vraiment triste, hier ça m'a vraiment touché. Oh? Futurama est encore retiré des ondes. Encore? Oui, il avait été retiré par Fox il y a plusieurs années de ça, après quelques saisons, et Comedy Central avait acheté les droits pour produire des nouveaux épisodes. Et là, encore une fois, c'est retiré du réseau. On dit que le créateur Matt Groening et l'autre créateur, en fait, sont deux, David X. Cohen, vont magasiner la série ailleurs, encore une fois, pour voir. Il y avait eu, attends un peu... une série de 2008, à partir de 2008, donc de 99 à 2003, le Fox a annulé l'émission, c'est revenu en reprise sur Adult Swim, ça a mené à 4 films, et ensuite Comedy Central avait commencé à diffuser à partir de la saison 5, ils ont fait ensuite saison 6 et 7, et là, c'est terminé. Tu sais, les Simpsons peuvent durer l'éternité, hein? Ah. Donc pourquoi? Chou blanc. Que Futurama, ben oui. Et maudit, moi ça me rend triste. Ouais. Et encore une fois, parlant de retrait d'émission, The Cleveland Show n'existera plus sur Fox. Ben là, ça va pas. Non, pas ça. Bon matin. Vraiment, je sais pas. C'est vrai que c'est comme full déprimant. The Cleveland Show, l'émission dérivée de Family Guy, est retirée. Ça ne va pas être annulé selon l'Animation Guild. La série créée par Seth MacFarlane, Mike Henry et Richard Apple. En tout cas, en tant que série dérivée des Griffins, a été diffusée pendant 4 saisons pour un total de 88 épisodes. Série qui se focalisait particulièrement sur l'un des personnages de la célèbre série des Griffins. D'habitude, les séries dérivées, ça marche mieux que les séries d'origine. En tout cas, il y en a eu beaucoup, des séries comme ça, qui ont duré plus longtemps que leur série parente. Dans ce cas-ci, ben, la série dérivée fait patate. Chou blanc, x2. x2! Ah, ça, j'adore ça. OK, il faut que je te fasse jouer l'extrait parce que j'aime vraiment ça. Est-ce que je peux te le faire jouer ici? Mm-hmm. Il y a un animateur d'une station de télévision aux États-Unis qui a dit quelque chose. C'était son premier jour à la télé, OK? Premier jour ever. D'après moi, t'es en train de me dire que ça aussi, ça a été retiré. C'est à peu près ça. Il aura pas fait très, très, très long. Attends un peu. Colin, je le veux maintenant, s'il te plaît. Où est-ce que je trouve ça? Allez, fais-nous-le. Colin, je trouve pas le lien. Ah, ben là, tu sais. Ça m'énerve. Je peux pas faire ça. Attends un peu. Je vais chercher, gars. Je vais même prendre mon clavier ici. OK. Bismarck. Maudit. Je pense que ça va être trop long. Je suis en train de réaliser que ça ne se fait pas. Maudit. Donc, en ce moment, Mathieu, cherche. OK, je l'ai. Ah, oh, yes! C'était vraiment compliqué, mais je l'ai pour vous. J'essayais de décrire ce que tu faisais, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était plat. Hein? C'était un peu plat, ouais. Mathieu cherche. Ouais. Ah, est-ce que je l'ai? OK, je vous remets ça plus tard, puis je vous promets que je vous le trouve, puis que je coupe ce moment-là au montage, parce que ça me fait vraiment trop. Mais justement, parlant de « ch », ce sera le mot qu'il a peut-être utilisé en nom. Oh! Plus tard. Wow. Allons-y avec le prochain. Tiens, les Emmy Awards vont devoir revoir leur catégorie. Un retour en force des mini-séries et des films pour la télévision a incité les prix Emmy à rétablir certaines catégories pour la cérémonie 2013. Le Conseil des gouverneurs de l'Académie a dit renverser sa décision de l'an dernier qui devait combiner les honneurs d'interprétation dans un rôle principal et dans un rôle de soutien. Donc, ils voulaient vraiment fusionner soutien ou rôle principal. Pourtant, c'est pas la même chose. Le conseil a affirmé qu'en raison de la résurgence inattendue des mini-séries et des films pour la télévision, il a voté pour rétablir ces catégories distinctes. L'Académie a été surprise par une série de lauréats potentiels de premier plan, dont Elizabeth Moss et Holly Hunter pour Top of the Lake sur Sundance et Ben Whishaw et Dominic West pour la série The Hour sur la BBC. La décision annoncée renverse la consolidation qui devait entrer en vigueur cette année à la 65e cérémonie annuelle des Emmy à Los Angeles. Donc la cérémonie qui se tiendra le 22 septembre sur CBS. Bon, est-ce qu'on peut le faire jouer notre extrait du gars qui commence sa première journée en utilisant des mots pas super... Merci de jouer une pub avant. Voilà, sérieusement, ce matin, ça ne va pas bien pour les jouets, les jouets des vidéos. Mathieu, tu commences à grandir, puis t'es vert, malgré ton chandail bleu. Ah, merci, quand même, je suis vert de jalousie. Ah, t'es vert de gris. Vert de gris? T'es vert de gris. Vert de terre. OK, attention, là, ça va faire le niaisage, là. On y va ici, attention. Sunday on NBC North Dakota News, your news leader in high definition. Gay. Good evening, I'm Bravo, Dan Hughes. You may have seen our newest AJ on NBC North Dakota News, and he'll be joining the Weekend News team as Mike. Hors onde, OK, pense à être hors onde, le logo s'affiche à l'écran du bulletin de nouvelles, et ses premiers mots, c'est son premier jour, il dit « fucking shit ». Ah! Et là, le bulletin de nouvelles commence, la fille le présente, étant super inconfortable, sachant très bien que ça a fini en onde. Donc non, ça ne va pas très bien pour cet animateur-là qui a été renvoyé le lendemain. Oh. Imagine, c'était son premier bulletin de nouvelles, il l'a terminé, c'était le bulletin de début de soirée, et il est jamais revenu pour le bulletin de fin de soirée, il était absent. Et le lendemain, il était sacré dehors, il l'a annoncé via Twitter. Bref, bravo. Ça, c'est une journée de marde. Oui, vraiment. on espère que ça ne se rendra pas jusque-là pour moi. Aujourd'hui. MSN aimerait ramener à la vie la série de super-héros Heroes. Connais-tu? Non? Oui, oui, oui. Heroes, bon. Donc, initialement proposé par NBC, Heroes ne reviendrait pas à la télévision, mais sur la plateforme de streaming en ligne du groupe lié à la console Xbox 360. MSN aimerait s'immiscer à son tour dans le marché des séries télévisées, comme l'a fait récemment Netflix et comme le fait en ce moment même Amazon. Pour son arrivée, le portail web miserait sur le retour de Heroes, série très populaire des années 2000. Qui, malheureusement, a l'air d'avoir perdu de la qualité plus les saisons avancées, selon les commentaires. La nouvelle version proposerait des aventures inédites réalisées par de nouveaux personnages. Ah, de nouveaux personnages. Parce que tout le monde a des contrats ailleurs, on s'entend dans la série originale. Les téléspectateurs devraient retrouver également quelques protagonistes au pouvoir surnaturel de la série originale, invités à faire des apparitions. Série conçue par Tim Kring, Heroes a été diffusée de 2006 à 2010 aux États-Unis. Les deux premières saisons ont enregistré une bonne audience, mais ça a rapidement baissé. À peine 7 millions de personnes ont suivi la dernière saison, soit deux fois moins que la première. Donc, ramenez ça, hein? T'sais, si les codes d'écoute étaient beaucoup moins bonnes à la fin, il faut ramener ça. Ben oui, il y a un potentiel. Oui. Sauf que ce qui pourrait revenir et qui nous intéresse, en tout cas moi ça m'intéresse, c'est Fort Boyard qui pourrait revenir à TVA. Oui. T'as entendu parler de ça, donc on n'en parlera pas trop longtemps, mais la rumeur qui courait depuis un bon moment, ça s'est confirmé. TVA fera renaître Fort Boyard sans le père Foura, pourtant une figure emblématique. Créé en France en 1990, Fort Boyard a tenu l'antenne entre 1993 et 2001 au Québec, non en France, sous le nom de France 2, où il entreprend une 24e saison en ce moment. Il y a une version pour enfants qui joue à VRAC TV et à télé un petit peu partout. Ça a l'air de fonctionner. Une version pour adultes, donc, sera de retour. Allons-y je saute un paquet d'affaires. Dans Splash, la version américaine de Le Grand Saut, il y a plusieurs vedettes qui se sont blessées. Oh! Je sais pas si ça va se produire au Québec, si l'émission est déjà préenregistrée, mais bref, l'émission de ABC ajoute un autre blessé. Nicole Eggert, qui a été hospitalisée jeudi le 18 avril après un plongeon qui a mal tourné lors de l'enregistrement de l'émission. On nous dit que la vedette de Baywatch, donc Alerte à Malibu, a essayé un plongeon avec plusieurs backflips, et puis elle a backflopé dans l'eau, donc le dos en premier. Mm-hmm. L'impact vraiment douloureux, apparemment. Puisque c'est ça, je pense que dans l'article, ça dit qu'il s'est trompé de bord du tremplin. Je suis sauté sur l'animateur. Boum! Wow. Elle aurait pu rebondir sur une autre des vedettes de poids très corpulent dans l'émission. Ça aurait... Oui, et puis ça aurait été doux. Pas de blague là-dessus. Il y a aussi un humoriste, Chewy Bravo, qui a quitté la compétition avant même le début, en se blessant pendant les pratiques. Et Rory Bushfield, c'est normal si les noms vous disent rien. Hein. Ça dit pas vedette, là, c'est splash. Là. Quand ça dit Dancing with the Stars, on connaît toutes ces petites vedettes-là. Là. Mm. Non, du tout, jamais. Donc, Rory Bushfield, qui s'est fait une rupture de son tympan. Et une autre qui a été blessée au dos, Catherine Webb. Disney Channel va ramener une version de Fais-moi un dessin. Oui, on ramène la franchise Fais-moi un dessin, sans Yves Corbeil, j'imagine, aux États-Unis. Donc, ça va commencer à être produit en juillet avec Justin Willman de Cupcake Wars en tant qu'animateur. Donc, les enfants vont être mis en paire avec des vedettes de Disney pour compétitionner dans des batailles de dessin. Donc, la version originale de Win, Lose or Draw, Fais-moi un dessin, a été sur NBC de 87 à 90. Et puis, il y a eu une version sur Disney, aussi dans les années 80-90, de 89 à 92, qui s'appelait Teen Win, Lose or Draw. Donc, je ne sais pas si ici on va appeler ça Teen Win, Lose or Draw ou quoi, parce que c'est vraiment pas très beau comme nom. Allons-y avec... les grosses rumeurs qui roulaient depuis quelques temps que Friends allait revenir... C'est faux, complètement faux. La créatrice Martha Kaufman dit que ça n'arrivera jamais. En fait, on dirait que c'est un site français parce que Danny Janvier m'a montré le lien sur un de ses sites de nouvelles insolites sur GenSide. Ça disait que Friends allait revenir. Il y avait la grosse photo. Puis là, c'était comme vraiment, c'est pas une rumeur. Ça s'en vient à Thanksgiving 2014. Friends va être de retour pour une série, une 11e saison. Non, absolument pas. Donc, les rumeurs sont fausses. On sait pas où ça a parti. Jennifer Aniston dit que c'est une des vedettes de Friends qui dit que c'est Matthew Perry qui avait parti la rumeur lui-même. Mais non, ça ne marche pas. Et d'après moi, c'est mort dans l'œuf. En fait, je pense que j'ai jamais eu de pourparler pour ça parce que les vedettes sont tellement ailleurs. Là, à un moment donné. Il n'y a personne qui veut revenir. Ça a duré longtemps, ça. 10 saisons. Eh oui. Et puis, sinon, tiens, allons-y avec les codes d'écoute pour la semaine passée. On va y aller au Québec rapidement, comme on le fait toujours. Donc, top 15 à 6, juste pour rire. TVA Nouvelle, le tricheur, Fidèle au poste, dans l'œil du dragon. Vlog, la poule aux odeurs, la voix. Tout le monde en parle. Cinquième position, Destinée. Quatrième, Accès limité. Troisième, Accès limité, c'est ça. Troisième, Testé sur des humains. Deuxième, LOL. Et première, c'est La Voix du dimanche. Alors, vous avez quelque chose de plus intéressant. Le Canada. Position, c'est tout le temps les mêmes affaires, de toute façon. 15 à 6. American Idol, Mentalist, Blue Bloods, Big Bang Theory, les Masters. C'est le golf, hein? Le golf? Ouais. NCIS, Los Angeles, CTV Evening News. Le golf est vraiment dans le top 11. Wow. The Voice, Two and a Half Men, NCIS. En cinquième, c'est CSI sur CTV. Quatrième, Survivor, Caramone. Troisième, le hockey. Hockey Night Canada. En deuxième, Amazing Race. Et en première, c'est The Big Bang Theory sur CTV le jeudi soir. C'est selon BBM. Et on termine avec les talk shows comme toujours au Late Show de David Letterman à 23h35 sur CBS. Ce soir, Steve Martin, demain Kate Hudson, jeudi Dwayne The Rock Johnson et vendredi John Hamm de Mad Men. Hier, il y avait Matthew McConaughey. Au Tonight Show de Jay Leno sur NBC, 23h35. Ce soir, personne qu'on connaît. Okay. Carol Burnett, je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Au Québec. non, c'est parce que je suis pas rancé. Demain, Emily Blunt. Jeudi, Gwyneth Paltrow et vendredi, Robert Downey Jr. Sur Jimmy Kimmel Live, ABC à 23h35. Ce soir, Harrison Ford. Demain, Topher Grace de That 70 Show, 70. C'est ça. Craig Ferguson, minuit 35 sur CBS. Ce soir, Kevin Bacon. On a le j'ai mon chandail de Kevin Bacon oui. En ce moment. Yeah. Mercredi, la vedette de The Office, Rainn Wilson. Jeudi, Zac Efron. Et vendredi, Robin Wright et Andy Dick. Donc voilà pour les talk shows. Allez voir sur assemblagerequis.com pour toutes les notes, tous les articles. Et artistes, sûrement aussi. On parlait de Friends il y a quelques secondes. On n'a jamais encore fait jouer le thème de Friends dans Television. Donc, on l'écoute à l'instant. C'est les Rembrandts avec leur pièce I'll Be There For You. Et ça commence pas. Parce que je l'ai pas commencé. Ah oui, Etty. Quand même. T'es coquin, toi. Je t'ai fait peur, hein? Oui. Ouh. Still in bed.

Wife is calling, elle t'appelle, répond. Voyons là. Sound City sur leur album Real to Real à Assemblage Rocky. C'est la fin de la première heure de notre émission. Alors que Jean-Philippe a failli renverser son café avec ses écouteurs. Pour une deuxième fois consécutive. T'as renversé son café déjà? Hier dans mon bureau, quand je vous ai donné mes petits piqueurs. Oh, c'est vrai, oui, le beau petit kiosque devant la bibliothèque, c'était hier. Ça a eu lieu, c'est fait. C'est fini. Tant pis. Vous avez manqué votre chance. Non, sans blague, si vous voulez animer une émission assez fou cet été, vous pouvez facilement venir nous voir à nos bureaux à côté du 10-12, au pavillon des Rébauchemins. Sinon, il y a aussi envoyé un courrier à la prog, c'est fou, à qtr.ca. Écoutez l'annonce qui joue sur nos ondes, qui vous dit des informations sur comment avoir votre émission. Venez partager votre passion avec nous. Ben oui, c'est le fun. On a du plaisir à tous les matins. T'imagines-tu, on se lève tôt. Ouais, c'est pas obligé, d'animer à 7h le matin. Là, la case est déjà prise. Là. Fait que volez pas mal de job, s'il vous plaît. Hein? Au retour, Michel Lebrun, de sa chronique Panier à salade. On parle de justice. Il nous a suggéré peut-être quelques petites idées. Là. On lui en parle tantôt. Pour une chronique thématique estivale. Oh. Ou peut-être fausse. On verra. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 23 avril 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Et il est Mathieu Plante. Oui, on est en forme un matin. Oui. On est au café straight dans les tuyaux, là. Ouais. En fait, ça va passer straight dans les tuyaux pour se rendre jusqu'à où ça va se rendre. Pipi! Bon! Dans les toilettes. Sur cette belle image, oui, pas de porte. Au pavillon de Rébauchemin, on n'a pas gardé les toilettes. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai tout le temps une petite anecdote. Ben oui. On pourrait mettre sur Assemblage requis, parce qu'on en a quand même parlé quelques fois là, des toilettes ici. On a des bons sujets de conversation, toi et moi. Ben oui. Puis, je sais pas si tu te souviens, au show de Rouge-Pompier, l'anecdote qui est arrivée sur les toilettes, j'étais très content que ça soit sur ces toilettes-là. Le chanteur de Rouge-Pompier choisit une anecdote à chaque spectacle qu'il fait et celle-là était sur les toilettes du pavillon des Rébauchemins, qui nous sont si chers. Ouais. Peux-tu avoir l'anecdote ou c'est pas comptable? On l'écoutera hors d'autre. Ouais, c'est ça. Mais la vidéo sur Assemblage requis. Oh, je mets ça là. Page Facebook. D'accord. Vous avez entendu Michel Lebrun parler. Pourquoi est-ce qu'il parle? Ben, c'est clair et facile. C'est parce que c'est sa chronique Panier à salade. Bonjour Michel Lebrun. Bonjour Mathieu. Ça va? Bonjour Jean-Philippe. Oui, oui, ça va très bien. Là, je vous entends. J'entends encore mieux ma musique. Là. Oui, sa musique épique, comme on l'appelle. Ça fait très, très justice. C'est le poids, la balance le de la justice. Justicier. Oui. On n'est pas très, la très... La marche marqué. Implacable de la justice. Ben, c'est un gars qui s'en va vers sa mort, clairement, à la guillotine. Donc, Panier à salade, c'est évidemment la chronique justice judiciaire, juridique. Et aujourd'hui, je pense qu'on va continuer un petit peu dans le même principe que la dernière chronique. En fait, c'est la semaine passée. Ben oui, je pense que je vais continuer, vu le grand succès que ça a obtenu. Oui. Le ménage du printemps que j'essayais de faire du code criminel, c'est-à-dire chercher des anachronismes, un peu en lien avec ta chronique, c'est un fait, là, des faits vérifiables, véridiques. Écrit dans le code et le ils sont code plus fiables est... que sur Internet, je te dirais, les tiens. Par contre, là, je veux pas dire que la mienne, c'est de la boule. Je te souhaite que tes faits soient véridiques parce que tu vas voir qu'une des infractions qu'on va retrouver encore aujourd'hui dans le code criminel, tu pourrais peut-être te retrouver dans l'eau chaude. La désinformation. La désinformation. On va y venir. Il y a toute une série de suggestions, d'infractions. Donc, tu vas nous suggérer des infractions, ça? Ben, en tout cas, je vais peut-être vous mettre en garde ou si vous avez beaucoup de temps meublé cet été, là, un peu comme dans la chronique précédente, et vous cherchez des activités, vous allez peut-être pouvoir éviter les activités criminelles. Je ne vais pas vous conseiller de commettre des crimes, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs choses que vous auriez pu penser faire pour vous désennuyer peuvent être criminels. OK. Et j'en ai encore trouvé. Là, encore une fois, c'était un peu le thème que j'avais commencé la semaine dernière. Et je me disais, c'est un peu comme dans les films. On dit personne n'a jamais regardé vraiment là, tout ce qui traîne dans nos lois criminelles. Et, c'est beaucoup de petits textes, là, c'est vraiment écrit très très petit. Lire tout ça au complet pour enlever les anachronismes, ça pourrait être vraiment une grosse job. Il me semble qu'il devrait y avoir un coup de balai quand même. On équipe, ben oui. Hein? Coup de weed eater. Ouais. Je vois pas pourquoi ne pas le faire. Ouais. Ben, un peu comme dans les films, tu sais, un homme prend la loi entre les mains, ouais. entre ses mains, et puis bon, je suis peut-être un genre de héros, oui. puis vous savez, mais comme les deux acolytes, là, puis super on, est on est sur la place publique, puis là, on dénonce tous ces anachronismes, tous ces faits qui obstruent encore le code criminel. Je vous en sors une que j'ai... je l'ai collé, j'ai collé un sticker rose. C'est plus sexy, ça. C'était plus kinky, mais c'est pas vraiment. C'est dans la section infraction d'ordre sexuel. Et ça commence, c'est un peu épeurant, corruption d'enfant. On dit, bon, ça, c'est bien logique que ça soit criminel, mais regardez comment on définit corruption d'enfant. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, parce qu'il y a toutes sortes d'autres crimes de corruption d'enfant, on s'entend, et qui sont très justifiés. Mais ici, l'infraction à l'article 172, passible de 2 ans, quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère. Ça va, ça commence, ça ratisse large. Ou à une immoralité sexuelle. Donc, un adultère participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle ou se livre à une ivrognerie habituelle ou toute autre forme de vice. Et par là, met en danger les mœurs de l'enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l'enfant. Ça, c'est quand même encore étonnant que cette... en 2013, au code criminel, commettre l'adultère dans une maison. En tout cas, je trouve que... la définition d'enfant, c'est toute personne qui est âgée de moins de 18 ans. Donc, commettre l'adultère dans une maison ou de l'ivrognerie, dans la maison... En bas de 18 ans. Où il y a un enfant. Donc, une personne en bas de 18 ans, ça aujourd'hui, en 2013, ouais. C'est passible d'une peine de 2 ans. Non. Difficilement enforçable. Ouais, c'est ça. Bon, ben, ça, vous voyez, c'est on salue tous les bars. Hein? On salue tous les bars qui ont fermé à cause qu'il y avait des mineurs à l'intérieur. Descente. Effectivement. Bon, action indécente, un autre petit... est coupable d'une infraction, punissable sa déclaration de sa mère. Quiconque volontairement commet une action indécente dans un endroit public en présence d'une ou de plusieurs personnes ou soit dans un endroit quelconque avec l'intention ainsi d'insulter ou d'offenser quelqu'un commet une action indécente. Donc, ce que les gens appellent une lune... Oui, montrer ses fesses en public. C'est prévu par le code criminel. Donc, veux juste les montrer, si tu y penses. Ah! Uh-huh. Fais attention. C'est une demi-lune, mettons. C'est le dark side of the moon. Oui. Si tu joues le machin d'Oz en même temps que de te montrer les fesses, je pense que ça fait quelque chose. Je voudrais l'essayer. Une autre infraction, encore une fois, je pense que c'est des bonnes mises en garde pour l'été. Être nu dans un endroit public ou nu dans un endroit privé et exposé à la vue du public. OK, donc même si c'est chez toi, mais qu'il y a des voisins qui le voient, ouais, c'est ouais. Ça. Ça marche pas. Mais c'est, en même temps, le nombre de gens qui se promènent en chess puis en petit speedo dans la rue l'été, ouais. C'est la nudité, ça? Ça devrait peut-être être proscrit, mais je crois que la nudité, c'est... c'est vrai, il y a pas de définition. C'est full frontal, j'imagine qu'on voit les parties. On voit l'entrejambe. Ouais, parce que même des fois avec le speedo, c'est tellement serré qu'on voit pas mal tous les détails. Camel toe, hein, qu'on appelle? Camel toe. Ouais. Les deux bords, c'est ça. Femme. Bon, il y a une autre infraction ici qu'on retrouve, article 175, troubler la paix. N'étant pas dans une maison d'habitation, fait du tapage dans un endroit public, soit en se battant, criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène. Okay? Ça, c'est prévu par le code criminel. Soit en étant ivre, soit en gênant ou molestant d'autres personnes. Soit flâne dans un endroit public et de quelque façon gêne des personnes qui s'y trouvent. Flâner dans un endroit public, c'est quand même... Oui, juste chiller, comme on appelle. Oui. YOLO. Trouble la paix en déchargeant des armes à feu. Bon, ça, c'est peut-être logique que ça soit... Oui, il y a une petite différence entre chiller au parc et échanger des armes. Quand même, flâner, je trouve que c'est une infraction qui est un petit peu... Une autre chose que les jeunes ont tendance à faire souvent en fin de session, peut-être pas dans les universités, mais dans les écoles secondaires, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire, quiconque autre qu'un agent de la paix, donc un agent de la paix a le droit de le faire, dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jette ou lance, en un endroit ou près d'un endroit, une bombe ou un dispositif fétide. Fétide. Ou fétide. Méphitique, dont une substance est ou peut être libérée et qui est susceptible de gêner, d'incommoder une personne. Donc, la fameuse bombe puante. Ben oui. Ah, mais, c'est ça. Je pense que ça avait rapport avec une mijoteuse, moi, avec des clous. Oh! c'est pas légal, ça non plus, hein, je pense. Non, oui, non. Seulement c'est... si c'est un policier. Ouais, seulement si c'est un policier. OK, c'est bon. Okay. On retient ça. On retient pas ça? OK. On essaie de pas retenir ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Celle-là, est américaine. Déplacée un peu. Aussi, vagabondage. Bon, une autre infraction qui peut peut-être être tentante l'été, vagabonder. Commet un acte de vagabondage à toute personne qui, selon le cas, tire sa substance en totalité ou en partie du jeu ou du crime. Bon, tirer, donc il y a des joueurs de poker professionnels là, qui semblent être des vagabonds. Et n'a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie. Donc tu pourrais pas gagner ta vie en étant un joueur de poker. C'est ça. C'est pourtant rendu un métier. Là. Si tu tires ta subsistance, en fait, en totalité ou en partie du jeu ou du crime, et t'as aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner ta vie, ben là, t'es coupable de vagabondage. Ben voyons. Et t'es punissable d'une peine de... infraction sommaire, donc 6 mois de prison maximum. Ah ben, t'as... Oui? Ben c'est ça. Tu gagnes au poker, puis là, bang, 6 mois. Ben, peut-être même. 125 000. Ben, c'est ça. Peut-être que notre ami, c'est lui qui avait gagné la série mondiale, là, en arrivant au Canada, on l'arrête, puis 6 mois de prison. Bon, diffusion de fausses nouvelles. Alors là... C'est moi, ça. Là, Mathieu, là, t'es... Je me sens visé. Je te sens trembler. Alors, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans. Quiconque volontairement, donc tu vas peut-être pouvoir plaider l'inconscience. Oui, l'incompétence. Publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu'il sait fausse et qui cause ou est de nature à causer une atteinte ou du tort à quelque intérêt public. Donc, les fausses nouvelles. Oh, après, ben, donc, 3600 secondes d'extase et ces affaires-là, tu sais, mettons les émissions de parodie de nouvelles, des fois, vont peut-être... D'après moi, ils sont dans le trouble. Eh oui. Il y a des affaires qui concernent le jeu et une infraction qui est prévue à l'article 206, paragraphe G. On interdit quiconque décide une personne à risquer ou hasarder. En fait, un jeu qu'on appelle le jeu de Bonneto. Vous connaissez-vous ça, le jeu de Bonneto? Non. En anglais, on appelle ça le Three Card Monte. Je sais pas si... À New York, toi, t'étais à New York récemment. Je sais pas si c'est encore... Moi, ça fait longtemps que je suis pas allé. Puis à l'époque, c'était, je pense que c'était un peu plus glauque que ça allait aujourd'hui. Là, c'est peut-être... Il y a beaucoup de policiers à New York maintenant. Il y en a quasiment partout, là, d'après ce qu'on me dit. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et il y avait des gens qui se promenaient avec une espèce de petit kiosque. Et puis, il y avait une espèce de faux attroupement autour d'eux autres. Oui, et puis là, avec les cartes. Ils jouent avec 3 cartes, là, puis là, ils disent tu mets 20$. C'est comme la balle dans le verre, là, puis là, tu changes les verres de place. Exactement. Mais c'est fait avec des acteurs, ça. C'est des gens qui font semblant de gagner de l'argent. Wow. C'est comme, je viens de gagner 3 000$, puis là, vient t'en jouer. Puis là, exactement. Ben, moi, je me suis pas vu, quand j'étais à New York, j'avais perdu comme 40$, puis j'étais complètement naïf. Ben oui, j'aurais appelé la police si c'est interdit là-bas aussi. Il appelle ça le Three Card Monte, mais tu te dis, tu vas suivre, c'est un peu comme un tour de magie, dans le fond. Là, il y a une forme de distraction qui apparaît quelque part là-dedans, puis tu essaies de suivre la carte, puis ça a l'air bien facile au début, puis il t'embarque un peu dans le jeu. Puis, tout ça, un jeu de Bonneto, là, qu'on appelle Three Card Monte, Roue de Fortune. Yves Corbeil! Yves Corbeil est illégal. Il va chez vous en plus pour le faire. Charlatan. Il est un criminel. Il va plus chez elle, ça, je pense. Donc, tout c'est... inciter les gens à jouer à ça, y jouer, recevoir des paris, tout ce qui concerne ce jeu-là, c'est illégal. Une autre chose qui est interdite, on appelle ça Là, si je vous le lis, on ne comprendra pas grand-chose. Là. Un plan, un arrangement, une opération qui permet de recevoir de la personne qui conduit ou l'administre l'arrangement d'opération une plus forte somme d'argent, une valeur plus élevée que la somme versée ou la valeur remise ou à payer ou à remettre du fait que d'autres personnes ont payé ou remis, se sont engagées à payer ou remettre. Vous comprenez? Je me suis dit, j'ai essayé pendant 2 secondes. Ouais, ben moi aussi, ce que j'ai finalement compris, c'est que c'était les pyramides. Je sais pas si... Les pyramides. Connaissez-vous ça? On n'entend plus parler de ça beaucoup. Non, mais c'est... C'est comme quelque chose qui revenait à tous les 10 ans à peu près. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer, il y avait des grosses vagues de ça. Des gens qui se faisaient embarquer dans des pyramides. Puis tout le monde qui avait un beau-frère se faisait achaler. Se faisait envoyer, mettons, de l'argent à une personne. Parce que ces deux autres personnes-là devaient envoyer de l'argent à l'autre personne. Parce que les deux, chacun en avait deux. Puis chacun, ça se multipliait. Exactement. Ce qui est exponentiel. Oui, puis il y avait vraiment des réseaux là, qui faisaient des soirées puis qui essayaient de convaincre les gens d'embarquer dans des choses de même. Maintenant, ça s'appelle Party Light. La vente de chandelles, là. Pas mal finalement. Ça ressemble à ça. Tu invites des amis pour pouvoir faire ta soirée, puis ça donne des cadeaux, puis tout le monde est récompensé, puis ça fait de plus en plus de monde à chaque soirée. Hein? Ouais. Est-ce que tu as été victime de Party Light? Non. Je me suis dissocié de tout ça. 60$ Ben, les pyramides, moi, d'après moi, là, ça doit faire au moins 10 années que je n'ai pas entendu parler. Pour moi, c'est sur le bord de revenir ou c'est peut-être que Internet. Moi, j'en ai entendu parler quand j'étais au secondaire. Donc là, on va faire un calcul rapide, c'est ça. Hein? On s'en va sur le 10 ans. Pas mal. Ça s'en vient. On part ça. On part ça là. On est 3. Profitez de votre été. Fois ben oui. On va se mettre en haut de la pyramide. Oui. Le secret, c'était un peu ça. Ouais. C'est d'être en haut de la pyramide. Parce que si on calcule, les gens, c'est vraiment un piège à con. Là. C'est n'importe qui s'est compté un peu. ça tient pas. Là, ça prend tellement de monde en dessous pour faire rendre les gens riches en haut. C'est drôle comment ça décrit aussi exactement genre le système de l'Auto-Québec. Mais bon, okay, comme ça. Exactement. Oui, effectivement. D'ailleurs, quand l'Auto-Québec a un prix, mettons, à 30 millions, tout le monde en achète. Comme, genre, à 5 millions, c'est moins intéressant. C'est qui gagne, c'est le gars qui est au sommet de l'Auto-Québec qui gagne. Non, on gagne jamais. Jamais. Tricher au jeu, d'ailleurs, on parlait de jeu. Donc, tricher au jeu, c'est prévu dans le code criminel. Si vous trichez dans un jeu, vous êtes coupable. Au Baba Star Select AB. Oui. Ouais, d'ailleurs, je me suis fait arrêter. J'ai cheaté sur mon Xbox. Bang! Deux bouts de prison. Tu verrais? Non. Perquisition, je sais pas. Remarquage d'une personne la nuit. Une infraction privée au code criminel. Ah. C'est coupable d'une infraction quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques. Donc, faire du ski nautique la nuit, c'est une infraction au code criminel. Wow. Hein? C'est pourtant, tu déranges personne. Parce que c'est supposément dangereux, si je comprends. Dangereux pour la personne à qui? Mm-hmm. Si vous vous ennuyez, puis cet été, vous voulez vous marier ou... Il faudrait vraiment s'ennuyer rare pour marier. Ouais, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Oh, je m'ennuie. Bon, marie-toi deux. Marions-nous. Mais faites-le juste une fois, parce que la polygamie, donc se marier deux fois avec pas avec la même personne, mais deux personnes. Se marier avec deux personnes en même temps, sans être divorcé de la première, c'est un crime. Ah, ben gagnon. Un autre crime qui m'apparaît un peu étrange, mais qu'on peut risquer d'entendre à l'occasion. Libelle blasphématoire. Oh! Tu parles contre quelqu'un méchamment? Ouais, ben non, ça c'est diffamatoire, on va y venir, mais d'ailleurs, une autre mise en garde pour les animateurs de radio des fois. Oh! Ça va être le prochain, mais le libelle blasphématoire. Donc, blasphématoire, ça veut dire que c'est comme sacré, là. C'est comme s'attaquer des à la jurons, religion. C'est des ça. Jurons. Ouais. Mm-hmm. Et coupable d'un acte criminel, quiconque publie un libelle blasphématoire. Donc, ça arrête là? Hein? Publie. Juste publie ça, ça peut être dans n'importe quel média. Ouais, publier, d'après moi, même parler à la radio, ça c'est une forme de publication. Wow! Ouais. Et le libelle diffamatoire qui suit, celle-là, on le définit un peu mieux. Libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu'un. Mm-hmm. OK? Mais c'est pas... Je pensais que c'était plus... Il fallait être vraiment dans la fossée pis ça. Non, nuire à la réputation de quelqu'un en l'exposant à la haine, au mépris ou au ridicule ou destiné à outrager la personne contre qui elle est publiée. Donc, vouloir ridiculiser, en fait, ce qu'on lit dans le Journal de Montréal, tous les chroniqueurs sur les politiciens. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'on les sorte dans eux et qu'on les tape, genre, avec des bâtons. Là, on les frappe avec des bâtons, mettons. C'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, en tout cas, qu'on les amène en cours ou qu'on les condamne à la prison. Et d'ailleurs, un libelle diffamatoire, on a même une précision sur cet article-là. Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie. Soit genre, il faudrait pas que quelqu'un sorte dans la rue puis frappe les politiciens avec un gros bâton de baseball. Ce serait vraiment méchant de faire ça. Ça serait comme ironique. Ouais. Mettons. Pauvre Marc Labrèche. On marche... On n'a pas idée à quel point on marche sur une glace qui est mince. Hein? Ouais. Fomenter volontairement la haine. Hein? C'est une autre infraction, 319 du Code criminel. Là. Quiconque, par la communication de déclarations, autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable et coupable d'un acte criminel. Donc, fomenter la haine. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est large. Oui, ouais. C'est très flou quand même. Ceux-là sont ordinaires. Voilà. On rappelle qu'on est toujours dans une chronique de faits véridiques sur la loi. Sur la loi 2013. Oui. En voici un. Article 365. Affecté de pratiquer la magie. Noire ou blanche? Ça ne dit pas. Toute la magie. Pas de couleur. Toutes les Jojo Savard, toutes les on savait que c'était criminel. Ben oui, puis c'est drôle parce qu'en fin de semaine, je pense que c'est dans la presse, il y avait un article sur justement le fait que toutes les voyantes, il y en a beaucoup là, des gens dedans, je dis des voyantes parce que la plupart du temps, c'est drôle, c'est des femmes qui sont qui se présentent comme ça, là, qui sévissent un peu à la télévision, sur Internet, font de la publicité, puis les gens appellent, puis ça coûte une fortune, oui. Puis ils ont comme découvert que les compagnies les entreprises qui opèrent de ce genre de sites-là opèrent beaucoup des lignes érotiques aussi. On engage une fille pour être voyante une journée, puis elle fait de la conversation érotique l'autre journée. Animé Call TV le soir d'après. Oui, exactement. c'est un bon combo. Call TV, ça c'est quand on appelle pour... Oui, pour les... On n'a jamais la ligne, non. Là, puis la question est facile. Ouais. Okay. Mais personne-là, ouais, ça aurait été une vraie... une affaire qui pourrait être... c'est frauduleux. Il devrait demander à Jojo Savard de guest hoster un épisode, juste un, ouais. Comme joke. Le 1er avril, c'est Jojo Savard qui anime l'instant gagnant. C'est parfait, ça? Avril, ça attend de changer de nom au moins 20 fois. Ah, cette émission-là. C'est ça, ça s'appelait Call TV. C'est devenu l'instant gagnant. Oui. Quand on se lève de bonheur, effectivement, on tombe. C'est vraiment le titre qui avait une mauvaise réputation, hein, pas l'émission du tout. Là. C'est quoi, ils se sont dit, Call TV, ça a une mauvaise réputation. On va l'appeler l'instant gagnant, ça reste la même foutue émission. Là. Au moins, c'est en français. Oui, je voyais ça. Ah, puis les animateurs ont l'air des fois un peu dans un état second. Là. Puis ils savent plus quoi dire. Ils sont en direct de genre des Pays-Bas, je sais pas trop quoi. Ouais. Bref. Donc, il parlait de ça, puis c'est-tu, j'ai trouvé ça drôle de voir cette infraction-là dans le code criminel, je vais vous la lire. Quiconque frauduleusement affecte d'exercer ou d'employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration, entreprend moyennant contrepartie de dire la bonne aventure, ou affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d'une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut-être retrouver une chose supposée avoir été volée ou perdue. Ça, c'est précis, hein? Oui, ça, c'est spécifique. Mm-hmm. On en a eu des gens qui cherchent des personnes disparues, oui. des médiums qui... Même, on dit la police, souvent, va les consulter, puis tout ça, puis ça donne jamais rien. Pis, je me demande... Ça, j'ai trouvé que c'était un anachronisme quand je l'ai lu. Puis en lisant ce que j'ai vu en fin de semaine, je me suis demandé s'il ne devrait pas plutôt activer ça un peu. Il racontait des histoires d'horreur comme une femme qui racontait que elle appelait une ligne comme ça là, de supposément voyance. Puis là, elle demandait si la personne avait un collègue de travail avec qui elle était en amour. Tu sais. Puis elle disait il n'a pas l'air de réagir trop. Et là... la voyante disait, il est destiné à toi. Puis là, elle a fait des moves, elle a quitté son emploi pour changer de job, pour qu'il vienne la chercher. En tout cas, toutes sortes de conseils. Vu qu'elle n'avait pas le droit de sortir avec, puis vu qu'elle travaillait avec, c'est ça, elle a changé de job. Ouais, c'est ça, à cause que la voyante, il a dit, éloigne-toi un peu, okay. ça va le. En tout cas, oui. Ça a été, elle a perdu une fortune, je veux dire, juste à payer cette voyante-là. Puis là, on se rend compte que les voyantes, justement, sont engagées pour faire de la conversation érotique. Ou pour faire de la voyance, pour faire n'importe quoi. Puis pour dire n'importe quoi. Et puis, il en venait à la conclusion qu'il y avait beaucoup de ces... ça pullule, c'est incroyable. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis les gens qui viennent un peu accro de ça, un peu comme une drogue. Oui. Et ça détruit les vies, puis tout ça, ben, il y aurait peut-être une solution. On avait un article dans le Code criminel, mais sauf que là, je regarde comment c'est écrit. Tu sais, dire la bonne aventure, il y a tellement de liseuses d'inning de la main, puis de c'est pas la même chose nécessairement, même si moi je me sens dans le même paquet. Ben, moi aussi, je suis un peu dans ton école là-dessus, ouais. Mais même le dire l'horoscope dans le journal, dans oui. Le fond. L'almanach du peuple, les feuilles de thé. Ouais. Le cassonade, je sais pas. Puis vraiment, dans le Nouvelle ce matin, ben c'est on lit la bonne aventure, là, je veux dire, ben quand on lit l'horoscope. Hein? Oui, on peut pas mal mettre cette définition-là sur pas mal de choses, même si c'est pas exactement ce que c'est dit dans le code criminel, mais bon, je m'y connais pas. Les filles qui font les deux jobs, faut pas qu'ils se trompent de ligne. Hein? Genre, ils appellent, puis ça, salut mon cochon. Et comme, non, moi, je veux juste la bonne aventure. Ben, il y en a une qui disait, une ancienne employée, elle disait, je me sentais moins sale quand je faisais la ligne érotique que quand je lisais la bonne aventure, parce qu'elle disait, j'avais l'impression de... Bon, la ligne érotique... C'est que t'inventes des choses quand tu dis la bonne aventure, alors que qu'être cochon au téléphone, c'est juste naturel pour elle. Ben, exactement. puis le client, lui, il sait ce qu'il achète, puis il n'y avait pas d'ambiguïté, mais là, elle dit, genre, entrer dans la tête du monde, puis jouer dans le rêve, puis dans le projet de vie, puis de carrière, oui. c'est assez dégueulasse. Là, c'est de l'embouboïté, pas d'ambiguïté. Ben, oh. 1-800 boobies! Embouboïté. Salut, je m'appelle embouboïté. Peut-être un dernier que j'ai trouvé quand même possiblement un peu étrange aussi. Il y a une section du Code criminel qui s'appelle documentation et instruments pour l'utilisation de drogues illicites. Donc, il y a des drogues qui sont illicites, oui. Ça, on le savait. Mais il y a un article qui dit « Quiconque sciemment importe au Canada, exporte au Canada, fabrique ou vend de la documentation » ou des instruments pour l'utilisation de drogues illicites, ou en fait la promotion, est coupable d'une infraction punissable de déclaration de sa mère, bon, donc aussi passible d'emprisonnement. Donc, documentation, instrument qui sert à la consommation ou à l'utilisation de drogues, je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est des choses qui viennent à l'esprit, là, comme ça, là, mais dans une tabagie, les revues, il y a une revue qui s'appelle High Times, c'est pas d'ambiguïté là-dessus. Là. Ça fait exactement la promotion de... Il y a même un parti qui s'appelle le Bloc Pot qui fait la promotion de l'utilisation du cannabis. Il y a eu une manifestation, je pense en fin de semaine d'ailleurs, à Montréal. Je sais pas pourquoi, c'est le 20 avril qui est la journée nationale aux États-Unis du pot. Et puis, il y a eu une manifestation là-dessus, je pense que c'est aux États-Unis. Puis pour fêter ça, il y a eu une fusillade. Il y a des gens qui se sont fait tirer. Ça c'est la American Way of Life. Vous aidez pas votre image ben là, mais bon. Hein? Non, c'est ça. Il n'aide pas leur image en se tirant dessus. Non, je sais pas. Mais je sais pas si c'est peut-être des opposants. Ou en tout cas, l'histoire ne dit pas. Mais à Montréal, il y a eu aussi une manifestation sur le Mont-Royal. Et puis, les policiers regardaient ça un peu. Les ont laissé faire, dans le fond. Mais ça paraît que ça sentait drôle. Et, mais faire la promotion... et vendre des outils. Donc, il y a toutes sortes, il y a des magasins aussi là, qui vendent toutes sortes de pipes ou de des bongs, des trucs. C'est ça. Et curieusement, ça m'a surpris. Ça aussi, c'est interdit par le code criminel. Alors, vous voyez, je trouve ça étonnant. Puis, je me suis dit, plutôt que d'abolir des articles, il y a certains des articles que tout simplement on n'applique plus. Mais non, c'est quand même un petit peu arbitraire. Tu sais. C'est comme si la police, quand on dit, les gens disent, il y a des crimes qui sont plus poursuivis que d'autres. C'est un peu vrai. Si les policiers appliquaient également toutes les dispositions du code criminel, ben la vie en société, je veux dire, ça serait on ferait plus rien. Puis effectivement, puis on serait choqué dans le fond de voir tout ce qui toutes les interventions policières. Puis ça n'aurait aucun bon sens. Je pense que les gens démissionneraient même de la police s'il fallait qu'ils arrêtent tout le monde. Mais ça me surprend qu'il n'y ait pas de policiers quelque part, genre zélés, qui aillent justement chercher des codes comme tu viens de trouver là. Ben, c'est pour ça que les arrêter, je trouve ça. Un peu inquiétant. C'est que peut-être que des mouvements sociaux, des fois ça part dans un sens. Puis là, ben, si du coup on décide de décréter que c'est un fléau social, les High Times ou je sais pas, des gens qui font de l'ironie. Oui, effectivement. Si on élargit certaines notions, comme la diffamation, puis tout ça, après, ça pourrait donner lieu à toutes sortes de poursuites qu'on considérait inimaginables dans notre société. Oui, il y a déjà beaucoup de poursuites frivoles, là. Ça pourrait être encore pire. J'espère que je n'ai pas donné des idées à des policiers qui nous écouteraient. Mais j'aimerais plutôt donner des idées à des gens de faire un petit peu de ménage du code criminel pour que dans les années futures, on soit plus à jour. Je vous avais parlé la semaine passée, il y avait une disposition qui prévoit les stations spatiales, puis tout ça. Il devrait peut-être s'orienter vers le futur. Regarder le passé, ça sauverait du papier, on sauverait des arbres. Imaginez le nombre de pages qui sont gaspillées par ces mauvais articles-là périmés. Ouais. On pourrait couper le tiers de ton livre qui ressemble vraiment à une bib en passant. Vraiment. Une grosse bib. Mais je ne ferai pas le tour. Je n'irai pas gagner aux portes cet été pour suivez-moi, citoyen. Mais tu sais, la bib est remplie d'autant de vieilles choses que le code criminel, effectivement, en même temps, c'est la même chose. C'est ça? Bon. Donc, merci beaucoup, Michel Lebrun. Ça fait plaisir. Une autre chronique panier à salade la semaine prochaine, mardi, à 8h, juste. Ben pile. Parce que sinon, c'est marqué dans le code. On n'est pas bien pile. Le retard est un acte criminel. Oh non! Mathieu! Je vous suggère un autre acte criminel à faire cet été. T'sais, on disait qu'on allait peut-être suggérer des crimes à commettre cet été. Faites pas celui-là. Je me touche dans le parc. Les trois accords. Oh oui. Hop, mais quand même, tant pis. Ben, l'émission continue, hein? Faut pas arrêter ça là. Ben non, il reste quoi, une demi-heure à remplir? Okay. Mm-hmm. Check-nous bien. On va trouver quelque chose. Ouais, bien sûr. Ouais. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U. 89-1. Le plan de demain à assemblage requis. Stéphanie Paradis sera là pour partager avec nous les petits bonheurs de la vie. David Ferron trouvera un thème qui regroupe trois pièces francophones ensemble dans la langue dans ton oreille. Et on achètera des choses dans notre segment 16. Ça devrait répondre là. C'est demain, mais tu seras pas là. Non. Moi, je vais être là avec Stéphanie. Ben, je vais être là jeudi. Oh yeah! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Situation et à bout de souffle, assemblage requis. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je faisais mon mea culpa. Comme aqua velva, ça? Hein? Oui, c'est quand tu te sens pire que culpa. OK, c'est quand tu sens mauvais parce que tu mets de l'eau de Cologne à aqua velva. Non, hier, c'est ça, il y avait un kiosque, on en a parlé un petit peu avant, mais ouais. Tu sais, on avait un petit kiosque pour les gens qui voulaient s'inscrire pour cet été, pour l'émission, pour dire bonjour, oui, c'est ça. Pour qu'on soit présent dans la communauté universitaire. Exactement, une fois dans la session. Ben oui. Puis là, t'as mis une photo sur ton profil de Facebook pour dire que, justement, il y avait le kiosque. Viens nous voir. Ben oui, c'est ça. Puis après ça, tu l'as mis sur la page de C'est fou. Ouais. Mais j'étais aussi en train de la mettre. Ah, fait qu'on l'a mis en même temps. Ah. Puis là, j'ai fait, oh, faut que j'en retire la mienne. Ah. Puis j'ai retiré la tienne sans faire exprès. Bon, mais c'est pas grave. Mais toi, comment tu fais pour la mettre pleine largeur sur Facebook? Faut que tu cliques sur mettre de l'avant. Mettre de l'avant? Ouais. Ah, oh, j'ai tellement Facebook. C'est comme la lavande, mais pas de deux. OK. Mettre de l'avant. Wow. Il va falloir que j'apprenne de toi, maître des réseaux sociaux, toi. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, bon point. Jacques. Très bon point. C'est un bon point. Fait que. C'était pas supposé d'être en ondes. Non, juste. Ben, on a rien de mieux à faire. Hein? Ben non. Ben, tu sais quoi? Parce que moi, quand dans la vie, j'ai rien à faire, OK? Mm-hmm. J'aime beaucoup chialer. Ben, c'est ça. Je pensais, en fait, que t'allais me chicaner ce matin. Non, non, non, non, non. Je t'encourage même. S'il te plaît, chiale plus. Parce que dans la vie, là, il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite comme t'as pas joué. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite comme t'as pas joué. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Je trouve que je chiale pas assez dans la vie. Toi non plus, Jean-Philippe. Faut sortir le méchant des fois. Mais arrête donc de me dire ce que je fais pas assez. Mais voyons. Chien de Charlie. Ah, OK. Donc, première affaire qui m'a fait sursauter récemment, c'est dans des annonces de mascara. Uh-huh. Il y a une pub avec Pink, entre autres. Et je crois une autre avec une autre chanteuse. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas si c'est Rihanna ou n'importe quoi. Mais ils ont des super, super longs cils, OK? Uh-huh. Et en bas de l'écran, c'est écrit genre les cils ont été ajoutés avec ont été améliorés avec des inserts. Donc, il y a des faux cils. C'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, au pire, mets-en pas d'insert, puis fais juste utiliser ton mascara, puis qui marche. Arrange tout pour faire un mascara qui marche. Je vois pas pourquoi tu marquais ça en bas de l'écran. C'est comme récemment, il y avait une pub qui. C'était genre. OK. Je l'ai même pas dans mes notes, celle-là, puis ça me vient de me venir tellement que j'aime ça chialer. C'était une publicité d'auto, OK? Et il y a un enfant sur le siège en arrière qui sort sa main de la fenêtre. Tu sais, comme on fait des fois, on fait des petites vagues. Ouh, avec sa main sur le bord de la fenêtre. Et c'est marqué en bas de l'écran, ne pas faire ça, parce que c'est dangereux de sortir sa main de la fenêtre. Fais une pub, soit avec pas un gars qui sort la main de la fenêtre pour pas avoir à écrire ça. T'sais, ou bien, je veux dire, à un moment donné, je trouve que c'est dangereux, mais là, tu bosses un peu au complet là-dessus, là. Ça n'a pas d'allure. Je trouve ça complètement cave. Ben, tu sais, si tu veux y aller dans les autos, il y en a aussi qui font des courses dans le Grand Canyon. Oui, faites pas ça, c'est dangereux. Ben oui. OK. Prochaine affaire que j'ai remarqué, c'est on était en voiture, OK, et on croise un garde piétonnier, comment tu sais, qui laisse passer les enfants devant les écoles, là, tu sais. Crossing guard, comment ouais, ça s'appelle. Ouais, mais pourquoi t'as dit ça? Brigadier. Brigadier. Un brigadier, c'est pas mal mieux comme mot. Mais bref, il y avait une pancarte arrêt stop avec du tape jaune tout le tour qui remplace. À la place d'être écrit en blanc, c'est écrit en jaune. Oh. Pour attirer encore plus le regard, j'imagine. Mais si ça attire plus le regard quand c'est jaune, pourquoi toutes les arrêt stops sont pas jaunes à la place d'être blancs? Uh-huh. Si ça attire plus les phares des voitures, je sais pas qu'est-ce que ça fait. Pourquoi c'est jaune? Mais si c'est jaune-là, ça devrait être jaune partout. Bon. Hein? Uniformité. D'ailleurs, c'est tellement réflecteur. En fait, on voit plus rien, puisqu'il y a tellement. Quand il y a une auto qui passe, ça reflète la lumière. Puis là, toutes les moustiques font. On pourrait faire deux poids de. Voyons. Deux mesures. Deux poids de mesure, non. Je vais dire deux pierres d'un coup. Ah, regarde. Ah oui, il y a une annonce pour un restaurant en ce moment. Okay? Uh-huh. Restaurant de déjeuner surtout, qui sert des pâtisseries, etc. On comprend. Ils font des paninis. Okay? Et ça dit dans l'annonce, genre, waouh, il y a même des marques de grill sur mon panini. Des marques de grill. C'est-tu parce qu'il était fait sur un grill ou parce que le pain a déjà des marques de grill à l'avance puis ils font juste le réchauffer? Mm-hmm. Moi, je pense que les marques de grill sont préférées. Sont fake! Fait que si dans la pub, tu précises, il y a même des marques de grill, ben arrange-toi donc pour que ce soit des vraies marques de grill. Uh-huh. La fausse représentation, bâtard. Ensuite, ce qui me dérange, c'est dans les magasins, les épiceries, entre autres, où il y a des prix différents. Par exemple, je cherchais spécifiquement une marque de beurre. Okay? Une marque de beurre Gold, c'est genre à saveur de... C'est de la margarine, c'est à saveur de beurre. C'est bon. Donc, je la cherchais et je voulais absolument l'acheter. Elle était à genre 8$ ou 7$ dans l'étalage de margarine, OK? Et je dis à ma blonde, je l'achète. Je l'achète, tu me dis pas quoi faire, je l'achète. Toi, tu manges, tourne la margarine que tu veux, moi, je vais manger la mienne, OK? Fait que ça a provoqué un petit malaise, tu sais, ma blonde, de dire, ah, bon, gars, achète la dent parce que de toute façon, tu vas chialer, tu vas bouder si tu l'achètes pas. Mm-hmm. Ce qui est tout à fait vrai, t'sais. Elle me connaît, t'sais. On se revient de bord et dans le petit frigo entre les rangées est en spécial à genre 4$. Hein? Ah! Fait que peux-tu concorder le spécial, pis le même pot, même grandeur, même prix, pas le même prix, t'sais. Genre, concorde donc tes prix dans l'étagère versus le frigidaire. Sinon, les marques de médicaments qui décident de prendre un autre nom de marketing. Tu sais, mettons, Viagra, son vrai nom, ça, c'est plus compliqué que ça, c'est pas Viagra. Bon, il y a un médicament qui s'appelle Rivaroxabane, OK? Rivaroxabane, ça, c'est son nom médical. Ouais. Mais son nom de marketing, c'est Xarelto. C'est aussi compliqué. Choisis donc un nom plus simple, c'est pour en simplifier. Mm-hmm. Xarelto. Xarelto. Tu vois, j'ai même Xarelto. Pas... Xarelto pour Rivaro Cabana. Génial. Chez la coiffeuse, ils sont rendus avec des séchoirs tactiles. Oh! Tu sais, à la place d'avoir un séchoir avec des boutons de vitesse, de température, c'est du tactile. Donc, t'as un petit écran LCD, puis là, tu pèses pip, pip, pip, pip, pip, bouloubou, pip, pip, pip, pip, bouloubou. Oh, attends, il y a une mise à jour. Veuillez brancher en USB sur votre computer, votre séchoir pour vous mettre à jour. Je comprends pas. Mais tu sais, elle me disait ça, puis elle était toute fière d'avoir son truc tactile comme moi, je domine la révolution. High hair. High hair tech. Le high hair. Comme je. Non. High hair. Ouais, high hair. E-I. Et oui, hair comme cheveux et comme air, en plus. Ouais, ou comme un iPod, tu sais, ouais. La génération I. Ah, ok. Il y a une annonce à la télé d'une douche, ok? C'est une douche dans laquelle tu peux entrer, t'as une porte. C'est comme un genre de bain-douche. Oui, pour les personnes plus âgées. Les personnes âgées. C'est que, dans le fond, le bain au complet, il y a une porte en avant. Donc, tu rentres, puis tu es au niveau du plancher. Et quand tu fermes, c'est hermétique et l'eau peut aller dedans. Et puis, quand tu as terminé, tu vides ton bain. Tu n'as pas le choix d'attendre que ton bain soit vidé. Donc, c'est super long. Puis là, tu ratatines, tu ratatines, tu ratatines. Puis, tu rates ton programme. Tu rates les feux de l'amour et ton souper de 16 heures. Ouais. Et ta shot de pilule. Ouais. Et tu sors de ton bain. Bon, bref. Mais dans la pub de ça. C'est un vieux monsieur tout nu dans la douche. As-tu vraiment besoin de mettre le vieux monsieur ratatiné tout nu dans la douche? Tout nu! Puis, tu sais ce qui arrive quand tu vieillis? T'as le comment t'as fait ça? Le... Mettons, c'est la bourse qui pendouille plus. La bourse qui pendouille! Ah, oui. Ça peut bloquer le retour le d'eau. Le drain! Flock à flock. Fini le bain. Ah, mais tu sais, c'est un bain qui, donc, quand t'es debout dedans, t'arrives sûrement genre à la taille quasiment ou un petit peu en bas de la taille. Donc, il n'y a aucune raison de montrer le gars tout nu avec ses totons de monsieur. C'est rien de mal. Absolument rien de mal. C'est vraiment pas de la diffamation. On sait que c'est illégal. Mais je comprends pas l'idée de mettre ça dans une publicité qui est faite pour te vendre ça. Même ouais. Un vieux veut pas voir les vieux tout nus. Mais non. Tu sais, bon. Ça m'a vraiment fasciné. C'était en fait semaine même. On est allé à Montréal. Oui. On a magasiné un petit peu la journée de samedi. Et on est allé au Carrefour Laval. Il y avait un Jugo Juice. Bon, OK. On va le dire parce que c'est le nom. C'est intégral. C'est important dans l'anecdote ici. C'est qu'à Trois-Rivières, ça s'appelle Jugo Juice. Oui. Tout court. À Montréal, c'est Jugo Juice. Ah. Pourquoi est-ce qu'à Montréal, c'est important de mettre le jus, alors qu'à Trois-Rivières, c'est correct d'avoir juste Jugo Juice? Parce qu'on est-tu en retard tant que ça de la grande ville et la controverse des magasins qui portent des noms en français va venir seulement dans quelques mois ou années? Il n'y a pas assez d'inspecteurs pour qu'ils viennent ici. Peut-être pas assez d'inspecteurs. Uh-huh. C'est peut-être ça, en fait. Ouais. En effet. Parce que vraiment, à Montréal, j'ai remarqué ça, c'est la première... ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé. Et c'est vraiment la première fois où j'ai vu qu'ils ont changé beaucoup, beaucoup d'enseignes pour vraiment mettre les mots en français. C'est genre, t'as Bed Bath & Beyond, maison, tu sais, ou je sais pas quoi, tu sais, c'est marqué à côté maison. De la même police, c'est un logo fait juste pour le marché québécois, on dirait. Ouais. C'est quand, moi, j'apprécie ça, je trouve ça cool à voir. Mais je comprends pas pourquoi à Trois-Rivières, c'est encore Jugo Juice. Bref. C'est à peu près ça, je pense que ça fait. Est-ce que. Non, ça. Non, il m'en reste un. C'est ma mésaventure Facebook, Twitter. Oh! Ouais, parce que récemment, j'ai lié mon compte Twitter personnel à mon compte Facebook. Fait que là, t'as tous tes hashtags sur Facebook. Oui, et ça a fait controverse, ça. J'ai reçu des messages textes de deux de nos chroniqueurs pour me dire « Ouais, t'es donc bien productif sur le Twitter. » Mais j'avais pas réalisé que dans les options de Twitter, tu peux lier ton compte Facebook. Ça va, aussitôt que tu postes un statut, ça va publier sur l'autre. Et le contraire est vrai, Facebook va se publier sur Twitter. C'est un peu moins bien fait dans ce cas-là, mais bon. Mais tu peux aussi lier tes retweets. Et moi, j'ai coché la case retweet me disant qu'elle allait sûrement me faire un digest à la fin de la journée de tous mes tweets dans un message sur Facebook. Pour l'essayer, je l'ai donc coché et j'ai retweeté des affaires. Il va à un retweet égale un message Facebook et prend une case de genre 10 cm de haut avec ta photo. Mathieu Plante a retweeté ce message de telle personne. Hashtag, hashtag, hashtag, hashtag, hashtag. C'est ridicule. Et vu que j'ai demandé de lier aussi ma page d'assemblage requis, elle s'est publiée sur la page d'assemblage requis aussi. Ah! T'sais, donc non, ne faites pas l'erreur de cocher ces cases-là. Et si vous le faites, retweetez juste un message pour voir de quoi ça a l'air. Parce que... Ça, c'est comme sur le iPhone. Si tu lis tes contacts Facebook à ton carnet d'adresse, je sais pas si t'as osé faire ça. Oui, j'ai osé le faire hier en rebootant, en reformatant mon iPhone. Ah. Mais ce qui est bien, par contre, c'est que si tu vas décocher cette option-là, il les enlève automatiquement. Hey, j'ai-tu eu peur, tu penses? Oui, qu'il reste là pour toujours et que je dois faire un par un le tri. Puis en plus, c'est des contacts Facebook. Mais les contacts Facebook, ils ont souvent pas leur numéro de téléphone et pas leur vraie adresse courriel parce que Facebook force tout le monde à avoir une adresse comme MathieuPlante@facebook.com. Ouais. Si ton utilisateur est Mathieu Plante. Non, c'est vraiment pas pratique. Et même, je suis très, très, très contre, contre Facebook en général depuis quelques mois. Là, on se le cachera pas. Mais leur tactique de remplacer les courriels par les adresses Facebook courriel, ça ne marche pas dans ma tête. Le Facebook n'est pas une boîte courriel. Non. Ben, je connais personne qui utilise ça. Non, ben, moi non plus, les courriels en tant que tel. Je connais des gens qui utilisent la boîte de Facebook, l'inbox. Je m'en sers même pour les chroniqueurs parce que la plupart des chroniqueurs sont sur Facebook. C'est plus facile que par courriel à gérer. Hein. Et c'est de côté. J'ai pas à stresser avec ça d'envoyer ma boîte courriel se multiplier. Mais non, Facebook ne fait que des mauvaises choses en ce moment. Mm-hmm. Que des mauvaises choses. Voilà. Est-ce que tu avais des affaires à dire qui te pop dans la tête de même? Non, comme ça, rapidement. Échapper ton café dans ton bureau. Ouais, ça, par exemple. Mm. Pour donner des speakers. Des mots. Pour des gens qui font une table. Une table tournante. Ah, on devrait avoir une table tournante. Le petit kiosque de C'est Fou devrait être littéralement sur une table tournante. On pourrait tourner, faire des wiki wiki. Mais ça serait gênant, tu sais, que tu parles à quelqu'un, puis comme, ouais, c'est vrai que Mathieu. On t'entend plus. Ouais. Ça va faire? Ouais. Voilà pour tout le temps de quoi. Ça m'a fait du bien de me soulager un peu. Mais t'as l'air mieux. Merci. T'as pris des couleurs. L'air en forme, ouais. Plus en forme que la dernière fois. Ouais. Ça, c'était une anecdote de spectacle qu'on est allé voir à Oulnéa. Quelqu'un dans la foule, un fou furieux. Ah ouais? T'as pas dit à quelqu'un, hey, vas-y, dis-y qu'il a pris des couleurs parce qu'il était malade l'autre fois quand il avait fait un show. Ça avait l'air fou, ben reste. Ah, il était désagréable. C'est du bullying presque, hein. Ouais. Bullying. Ouais. On s'en va entendre du Damn Truth, un nouvel extrait du palmarès anglophone. Voici Too Late. Oh! Je mets trop tard pour écouter cette chanson-là. Oh. C'était The Damn Truth. Too late. Mm-hmm. Trop tard. Ben, trop tard. Mais non, il n'est pas trop tard. On est juste à l'avance. Il reste 4 minutes avant la fin de l'heure. Mais c'est ici qu'on se quitte quand même. L'émission se termine. On remercie Charles-Antoine Rioux. Oui, sa dernière chronique de la session. Michel Lebrun, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Oui. Mm-hmm. Personne d'autre, hein, aujourd'hui. Merci à toi, Mathieu. Merci à toi, Jean-Philippe Charbonneau. Petite émission. Sauver les meubles. Sauver les meubles, oui. Décor ta vie et autres émissions Canal Vie, ça. Oui. Je cherchais le lien. Je sais pas. Des idées de grandeur, je pense. Donc, on se retrouve demain entre 7h et 9h. On aura Stéphanie Paradis avec les petits bonheurs. On va participer demain. D'ailleurs, toi, tu seras pas là, mais il va falloir que tu me donnes tes choix pour émission jeunesse. Ça va être demain qu'on va faire ça. Je peux pas croire que je rate ça. Ben oui. David Ferron avec la langue dans ton oreille. Et puis, Sex, mais ça devrait pas. On va aussi faire Kinky Sexy Time demain. Donc, tu vas manquer plein de choses. Jean-Philippe, pourquoi t'es pas là demain déjà? Ah, parce que c'est la remise, c'est ma présentation orale, en fait, de mon projet final d'études. Ben, je te souhaite bonne chance. Mais merci. Ça dure 8 heures, je pense. 8 heures? Ouais, c'est toute la journée. Défi. Restez à l'écoute, le dîner de con s'en vient à 11h. En après-midi, c'est Rock Classique version écourtée avec Alain Lefebvre. Tout ça de retour à 16h pour Melon Miel et Chaud de Bruxelles en rappel. Oui. Pour une des dernières fois. Avant-dernière. Ben, il faut pas rater la dernière qui est la semaine prochaine. Oui, très bonne. Ouais, vraiment, c'est une très bonne émission. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur en compagnie du docteur Pendragon. On se quitte avec une pièce de How to Destroy Angels sur le palmarès anglophone How Long. Bonne journée, Jean-Philippe. Eh ben, Mathieu. Bye. Always been here. It almost seems like yesterday. Hard to picture. It's the little things that slip away. Built with blisters, but they find it's the list.